السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc je remercie notre frère Ali Abou Nour, Hafizahullah Ta'ala, pour cette occasion qu'il m'a permis de saisir pour cette assemblée, bien qu'elle soit non présentielle, mais les paroles importent plus que la vision. L'écoute est plus profitable que la vision en soi dans ce genre de circonstances. وَكَمَا يُقَلْ مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُدْرَكُ جُلُّهُ. Que ce qui ne peut être accompli entièrement ne doit pas être délaissé totalement. Donc malgré qu'il ne soit pas possible de pouvoir réaliser ce genre de rencontres et d'assises dans un masjid ou autre, tous ensemble, on peut toujours le faire par ces moyens-là qu'Allah Azzawajal a mis à notre disposition. Ces moyens qui, souvent, sont utilisés dans le mal chez la plupart des gens, et qui, de base, qui sont permis, mais lorsqu'ils sont utilisés dans le bien, apportent beaucoup de profit. Donc déjà là, je fais clarifier pour ceux qui écoutent cette intervention à travers ma chaîne, car en fait là j'interviens sur deux chaînes différentes, celle de Talqid al-Qur'an du frère Ali, qui m'a invité ce soir, et la mienne en même temps. Pourquoi cela? Car je devais faire une intervention ce soir sur cette chaîne du frère. Malheureusement, faute de temps, je n'ai pas pu faire mon ders aujourd'hui, ni pouvoir préparer cette intervention. Donc on a dit on va faire d'une pierre deux coups. On va faire le ders habituel, hebdomadaire, à travers cette rencontre, tout simplement. Comme ça, tout le monde en profite. Ceux qui devaient à la base suivre le ders, qui le suivaient déjà auparavant, continuent et restent réguliers. Et ceux qui sont sur la chaîne du frère Ali pourront entendre malgré tout ce qu'il y a de profitable par rapport à ce livre que nous lisons depuis bientôt un an, qui est Bahjat Qulub al-Abrar wa Qurrat Uyun al-Akhyar fi Sharh Jawami' al-Akhbar de l'imam al-Sa'di, dans lequel il cite des hadiths contenant des règles générales et fondamentales. C'est une forme de Arba'in Nawawi en plus large. D'accord. Ceux qui suivent le DERS sont déjà au courant, mais je le répète pour ceux qui ne savent pas. Non. Donc comme je dis, je m'excuse de ne pas avoir fait une intervention spéciale pour cette occasion. Malheureusement, le temps, Allah Azzawajal ne m'a pas laissé le temps de pouvoir m'y préparer convenablement. Et voilà quoi. Taïeb. Ensuite, je tiens d'abord à préciser pour ceux qui ont participé au dernier ders que j'avais fait une erreur de traduction dans le 70e hadith, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit: Ya Abazar, la aql ka tadbir, wa la war kal kaf, wa la hasab ka husn al khuluq. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit: Oh Abazar, il n'y a pas de raison comme la mesure, ni de retenue ou comme de wara comme retenue, et ni de d'affiliation, c'est meilleur que le bon comportement. L'audio sera mis en ligne pour ceux qui vont comprendre le sens du hadith. Et moi j'avais traduit la aql ka tadbir, que là il n'y a pas de raison sans méditation. En fait, tadbir, c'est pas tatabbur. J'ai confondu. Quand j'ai dit tadbir, j'ai confondu avec le mot tadabbur qui veut dire méditer. Et là, c'est tadbir qui veut dire le fait de mesurer les choses. De mesurer les choses. Que la personne qui est raisonnable, qui est dotée de raison, elle mesure les choses et elle met les choses à sa place. Donc, c'était pour corriger par rapport à la traduction que j'avais faite, moi. Non. Donc, on va continuer aujourd'hui en présentant deux nouveaux hadiths, Biznillah Ta'ala, et qui sont connus, mais qui restent toujours un rappel. Car le rappel profite aux croyants, comme vous le savez. فَيَقُولَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْحَادِي وَسَبْعِينَ. Dans le 71e hadith. عَنْ نَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال جاء رجل فقال يا رسول الله أوصني فقال لا تغضب ثم ردد مرارا فقال لا تغضب رواه البخاري. Dans ce hadith que vous connaissez, qui est très connu, et d'ailleurs qu'on trouve également dans Arba'in Nawawiya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé par un homme qui lui a dit « Ô messager d'Allah, exhorte-moi. » Il lui a dit « Ne te mets pas en colère. » Puis l'homme a réitéré sa question, sa demande, et lui a répété « Ne te mets pas en colère. » rapporté par Al-Bukhari. Donc ce hadith vient pour nous montrer, nous enseigner, nous éduquer, pour éviter des comportements qui nous seraient préjudiciables par la suite, sous l'effet de la colère, sous l'élan des émotions, et ce qui y ressemble. يقول المؤلف رحمه الله تعالى هذا الرجل ظن أنها وصية بأمر جزئي وهو يريد أن يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام كلي ولهذا ردد فلما أعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن هذا الكلام جامع وهو كذلك. Donc cet homme, lorsqu'il a interrogé le Nabi صلى الله عليه وسلم et qu'il a dit ne te mets pas en colère, il a pensé que c'était une parole partielle sur un point, juste pour un point précis. C'est pour cela qu'il a répété la question, car lui voulait une chose plus générale. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a répété la même réponse, il a compris qu'en fait, cette réponse était bien plus large que ce qu'il s'imaginait. Et souvent les gens, c'est ce qui se passe, ils demandent un conseil pour une chose, tu réponds à la personne, et lui s'imagine que tu lui as donné une réponse plus large ou autre chose. Il ne s'attendait pas à ça. Et toi, tu sais très bien ce que tu dis à la personne quand tu le conseilles. Par exemple, souvent, les machères, quand on les interroge, qu'est-ce qu'ils font? Ils exhortent à taqwa Allah azawajal, à craindre Allah, ou au sobre. Et la personne, elle a vu une réponse précise à sa situation précise. Et en réalité, cette réponse, c'est celle qui lui convient, de craindre Allah azawajal et de patienter. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ne te mets pas en colère ». Et il dit, l'auteur, que la colère, justement, c'est une chose qui renferme deux choses importantes. C'est plutôt cette exhortation renferme deux choses importantes. أحدهما الأمر بفعل الأسباب والتمرن على حسن الخلق والحلم والصبر وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من الخلق من الأذايا القولية والفعلية. Donc en premier lieu, ce hadith nous incite à faire les causes et à s'entraîner et à tenter de s'efforcer de garder un bon comportement, malgré nous-mêmes, de faire preuve de tolérance et de patience, d'endurance. Et aussi de savoir préparer la personne à ce qu'elle devra affronter venant des autres comme nuisance, qu'elle soit verbale ou corporelle. Car les gens vont forcément te faire du mal, quoi qu'il en soit. Comme Allah Ta'ala, « وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَا اَتَصْبِرُونَ » Nous allons faire de certains d'entre vous une fitna pour d'autres, des troubles, une tentation pour d'autres. Même toi, tu voudras faire du bien, des gens autour de toi te voudront du mal. Quoi que tu fasses, et plus tu seras parmi les gens du bien, et plus des gens voudront te faire du mal. Évidemment. Et des gens te feront du mal volontairement, et d'autres de façon non délibérée. Pensant vouloir faire du bien, en réalité, ils te font du mal. Donc toi, à ce moment-là, tu dois t'y préparer. Car les choses, quand elles viennent soudainement, justement, on agit souvent, soudainement également, et on commet des erreurs. Comme on dit, on fait des gaffes. On fait des bavures. Car on n'était pas préparé, en fait. Ça nous a pris de court. Donc là, ce hadith t'apprend à anticiper les choses. Et donc la personne, lorsque tu la vois, qu'elle arrive à maintenir sa colère, c'est une personne qui est muwaffaq, qui a reçu la réussite. Car qu'est-ce qui va le contraindre à retenir cette colère? C'est justement ces bonnes mœurs qu'il aura, ce bon comportement. Et cette endurance, cette patience. et surtout qu'il aura pris conscience des bonnes conséquences qu'il y aura à se calmer, à rester, à garder son sang-froid, comme on dit. Donc cette colère, il faut la maintenir. Et à la fin du hadith, on verra justement, l'auteur va citer des hadiths, et nous on va en rajouter, qui montrent la vertu de ce comportement-là. وَثَانِي الْأَمْرُ بَعْدَ الْغَضَبِ. Donc le premier point qu'on a appris, c'est anticiper les choses, faire les causes avant que cela n'arrive. Et le deuxième, c'est ce qui va suivre après la colère. Il y a une fois que la personne est en colère. D'accord ? Le premier, c'est attention aux choses qui vont te mettre en colère. Le deuxième, c'est une fois que tu es en colère, comment réagir ? Donc cette colère, tu ne dois pas l'extérioriser. Car souvent la colère, c'est un sentiment qui vient en toi que tu ne peux rejeter. Cependant, une fois qu'il est en toi, tu peux avoir la force de ne pas l'extérioriser. C'est-à-dire, tu ressens trop la colère. Elle est là, la colère. D'accord ? Tu ressens trop cette boule, ce bouillonnement. Cependant, toi, tu t'efforces que cela n'apparaisse pas et ne ressorte pas. فعليه إذا غضب أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يقتضيها الغضب. Donc une fois qu'il sent en lui cette colère, il doit se retenir, se maintenir et se contrôler pour ne pas avoir à émettre des paroles ou avoir des comportements qui soient interdits. Et ces comportements souvent qui émanent de la colère. Quand on est en colère, dans 95% des cas, on dépasse les limites et on outrepasse. Ça, c'est humain. Et quand je dis c'est humain, c'est pas une excuse. Mais c'est une chose qui se déroule. Donc, ce hadith vient pour anticiper et t'empêcher d'en arriver là. Pour t'avertir. فَمَتَ مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فِعْلِ أَثَارِ الْغَضَبِ الظَّرَّ فَكَنَّهُ فِي الْحَقِيقَ لَمْ يَغْضَبْ. Donc, celui qui arrive justement à se maintenir, à se contenir, à ne pas agir, eh ben, c'est comme quelqu'un qui sera pas mis en colère, en fait. Quand il sera comporté comme une personne calme. La colère, elle est présente, elle est ressentie, elle est là. Mais le résultat sera celui d'une personne qui aura gardé son sang-froid. يقول فبهذا يكون العبد كامل القوة العقلية والقوة القلبية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عن الغضب. Donc la personne qui agit de la sorte, c'est une personne qui sera dotée d'une sagesse, on va pas dire. Humainement parlant, elle sera parfaite, car l'être humain n'est jamais parfait. Mais à son échelle d'être humain, cette sagesse-là, elle sera à son summum, du fait qu'il aura réussi à maintenir sa colère et à ne pas la faire apparaître. Et cela montrera la force de sa raison, une personne qui aura une raison forte. L'aqliya ou l'qalbiya, également un cœur qui est fort. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le dur, ce n'est pas celui qui terrasse les gens. Mais le dur, c'est celui qui arrive à se contrôler dans la colère. Et celui-là, le dur, le vrai. Car se mettre en colère, c'est facile, tout le monde peut se mettre en colère. Wallah, tout le monde se met en colère. Et quand la personne se met en colère, elle insulte, elle crie, elle hurle, elle frappe, elle devient violente, brutale. Tout le monde y arrive. Donc, en réalité, la difficulté, ce n'est pas de se mettre en colère, et ça ne prouve rien de se mettre en colère. Car aujourd'hui, les gens se disent « Ouais, je me mets en colère » comme si c'était une vertu. On dit « Ça n'en est pas une. » Dans la plupart des situations. Mais la vertu, justement, c'est celui qui va se contrôler. Car en se contrôlant, il va éviter bien des problèmes. Déjà à lui-même et ensuite à autrui. Combien de gens ont... Des gens en arrivent dans la colère à insulter Allah Azzawajal, subhanallah. Ils en arrivent à insulter la religion. Ils en arrivent à contester le destin. Ils en arrivent à offenser des gens qui méritent le respect. Comme leurs parents, comme des gens plus âgés, comme des gens qui sont innocents, qui n'ont rien fait. Combien d'hommes ont divorcé dans la colère? Combien d'hommes ont frappé leurs femmes ou leurs enfants dans une colère illégitime, pour ensuite finir par regretter? Combien de femmes ont elles-mêmes demandé le divorce sous la colère? Combien d'enfants, sous la colère, ont insulté leurs parents? Combien de gens dans la colère se sont disputés avec leurs voisins, en arrivant à une guerre qui ne s'arrête jamais, incessante. Et ainsi de suite. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam الذي يملك غضبه وهو قادر على ينكثه بعث الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق وخيره من حور عين ما شاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est en colère et qui est en mesure d'extérioriser cette colère, de l'appliquer, mais malgré tout qui se retient, qui se contrôle, il a dit qu'Allah azawajal le ressuscitera yom la qiyama à la tête de la création et lui fera choisir qui il veut parmi les huli'in. Ces femmes qui sont au paradis. Ce hadith-là, apparemment, vise plus les hommes que les femmes, car souvent, cette colère qui est nuisible provient en général des hommes. Car les hommes, vous le savez, ont un côté, on va dire, autoritaire, plus qui s'exprime plus que celui de la femme. L'homme a plus de force. L'homme s'impose plus. Donc souvent, c'est le plus lui qui est amené dans sa colère à faire de plus gros dégâts. C'est pour cela que dans le hadith, la récompense qui est donnée, c'est Hulirin. Mais la femme également qui se contrôle dans la colère, d'accord, elle aura également sa récompense. Donc le self-control, comme les gens l'appellent, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ce radab, sachez-le qu'il est de deux sortes. Il y a un radab, celui de ce hadith, qui doit être évité autant que possible. Et il y a un radab qui lui doit être wajib, qui est ibadah. Il y a une colère qu'on doit exprimer, mais de façon légiférée. La colère, lorsque les lois d'Allah azawajal sont outrepassées et sont violées et sont transgressées. Là, on peut se mettre en colère. Cependant, une colère qui soit, elle, légiférée, c'est-à-dire également qui n'amène pas à dépasser les limites. Qui ne se met pas en colère parce qu'il entend des choses qui portent atteinte à la religion? Qui? Celui qui n'en sent pas de colère, c'est qu'il n'a pas d'hymen. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Man ra minkum munkara falyughayyir biyadih, falyamastati' fa bi lisani, falyamastati' fa bi qalbi, wa zalika adrafu al-iman. » Celui d'entre vous qui voit un mal, qui le change par sa main, s'il ne peut pas alors par sa langue, et s'il ne peut pas alors dans son cœur. Et cela est le niveau le plus bas de la foi. Donc au minimum, tu vas ressentir en toi de la révolte, de la colère, de voir un munkar devant toi que tu ne peux changer. Ça va t'agacer, ça va t'énerver. Cependant, cet énervement ne doit pas t'amener à devenir toi-même outrancier. Et aujourd'hui, on le voit dans les événements actuels, dans ce qui se passe par exemple aujourd'hui en terre d'islam, en Palestine. Qui ne se met pas en colère? Qui ne ressent pas de la révolte? D'accord? Mais cette colère-là ne doit pas aimer à faire passer les émotions sur la raison et sur la législation. Et surtout à devancer les conseils des ulamas. Car trop de gens parlent pour rien. Et cela sous l'effet de la colère. C'est plus de la colère et de la fougue que, on va dire réellement, un ressenti lié à la foi. Car cette colère-là, même des koufols peuvent la ressentir. Lorsqu'ils sont atteints d'une injustice, qu'ils voient des injustices que des gens subissent. D'accord ? C'est un sentiment, il est humain. Mais nous, ce qui nous contrôle, ce n'est pas le sentiment humain, c'est la croyance et la dévotion religieuse. Car sous la colère, on peut faire des choses qui vont nous coûter cher à nous et à autrui. Et des paroles, Yom Al-Qiyama, auxquelles on rendra compte. Déjà, on arrive à insulter des gouverneurs, à critiquer les savants, car soi-disant, ils n'agissent pas, ils sont inactifs. Et autres. Il y a des choses qui les dépassent, les gens ne savent pas. Je ne défends pas les erreurs, on dit qu'il y a des paroles, il faut savoir tenir sa langue. Car la riba, la médisance envers les gouverneurs musulmans, une chose qui est interdite. Et les savants encore plus. Et les gens ne savent pas ce qui se déroule derrière. Ce n'est pas ce qu'on te montre sur les réseaux ou dans les médias qui est forcément la chose qui est réelle. Souvent, d'ailleurs, les médias parmi les koufars veulent te révolter et t'appeler à cela. Donc ils vont tout faire pour te provoquer. D'accord? Le fautif est fautif. Mais celui qui agit, qui ne te le montre pas, tu ne sais pas. D'accord? Chose qui n'empêche pas chacun à son niveau d'invoquer, de faire des doa. D'ailleurs, au Yémen, alhamdoulilah, ces jours-ci, eh ben, les mashiachs, dans leur masajid, ils font le kunut pendant les salawat. Ils invoquent en faveur du peuple palestinien. Et pour tous les musulmans dans le monde qui sont affaiblis et sous le joug des ennemis de l'islam. Et cela, tout le monde est capable de le faire, d'invoquer. Beaucoup, ils crient, mais peut-être qu'ils n'invoquent même pas. Peut-être qu'ils ne font pas les causes pour que leur doa soit exaucée, par la colère. On leur dit, est-ce que tu te lèves aux heures où les doa sont exaucées? Non, alors ta colère, elle sert à rien. Est-ce que tu fais les causes qui fassent que tes doa soient exaucées? Non, parce que ta colère te le fait oublier. Elle te fait oublier à ce moment-là. Donc ta colère ne sert à rien aux Palestiniens. Crier, ça ne sert à rien. Manifester ne te sert à rien. Insulter les gouverneurs et les savants ne te sert à rien du tout. Au contraire, cela est contre toi. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien dit, la tardob, ne te mets pas en colère. D'accord ? Garde l'esprit clair et serein pour agir de façon conforme à ce que Allah Azawajel veut de nous. Donc ne pas oublier qu'il y a une colère qui est légiférée. Ce ressenti qu'on doit avoir en nous, mais ce ressenti ne doit pas amener justement à transgresser. Car aujourd'hui, les gens sont dominés par leurs émotions et leurs sentiments, et non pas par le suivi religieux. Malheureusement. Non. Donc ça, c'était ce premier hadith de ce ders, qui est en fait le hadith, 71e hadith de ce livre. Ensuite, il y a quoi le hadith 72e hadith. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال إن الله جميل ويحب الجمال والكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit que ne rentrera pas au paradis celui qui aura dans son cœur ne serait-ce que un grain de moutarde d'orgueil. Un homme a dit, une personne qui aime avoir de beaux vêtements et avoir de belles sandales. Il a dit, est-ce que cela est de l'orgueil? Est-ce qu'il rentre dans cette menace? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah est beau et qu'il aime ce qui est beau, et l'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Et le hadith est authentique, apporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Donc là, on voit que ce hadith nous indique que l'orgueil, ce ressenti, ce sentiment, car c'est un péché qui vient à la base, qui est intérieur, et qui après s'extériorise à travers les paroles et les actes. Il fait partie des grands péchés. Pourquoi ? Car il y a une menace qui empêche d'entrer au Jannah. Et ce kibr qui empêche d'entrer au Jannah, d'accord, tant qu'il ne mène pas au kufr, al-akbar, cette menace veut dire en fait que tu ne rentreras pas parmi les premiers au Jannah. Beaucoup de hadiths qui sont venus sur des choses qui ne sont pas de la mécréance, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que telle personne qui fera telle et telle chose n'entrera pas au Jannah. Donc ce n'est pas un refus absolu, car la personne ne vient pas mécréante pour autant, mais pour dire qu'il n'entrera pas parmi les premiers. C'est-à-dire qu'il passera par un châtiment d'abord, comme l'expliquait le ulama. Et vous savez que ce défaut, c'est l'un des deux principaux défauts qui a coûté à Iblis ce qui lui est arrivé quand il a refusé de se prosterner devant Adam, c'est-à-dire de refuser de l'ordre d'Allah Azawajal. Le premier, c'est par orgueil. Il a refusé la vérité. Et deuxième, par jalousie. Al-Hasad. Il a jalousé Adam, se voyant meilleur que lui. Donc regardez bien l'orgueil à quoi il a mené. Il a mené à ce que vous savez de Iblis, qui est là aujourd'hui, et à quoi il est voué et destiné. Donc ce hadith nous montre le sens de l'orgueil, qu'il est dans deux domaines. Awalen, kibur ala al-haq, l'orgueil face à la vérité. Yaqul wa waradduhu wa adam qabouli. فكل من رد الحق فإنه مستكبر عنه بحسب ما رده من الحق وذلك أنه فرض على العباد أن يخضعوا للحق الذي أرسل به رسله وأرسل به رسله وأنزل به كتبه. Donc celui qui rejette la vérité et ne l'accepte pas, toute personne qui rejette la vérité, c'est un mustakbir, c'est un orgueilleux. Et là, c'est un orgueilleux face à Allah Azza wa Jalla. Là, c'est le kibr qui amène au kufr akbar. Car il était imposé aux serviteurs de s'humilier devant la vérité. Parce que la vérité te vient, même si elle ne te convient pas, tu dois l'accepter. Tu te dois de l'accepter. Et principalement la vérité qu'Allah Azawajal a fait descendre par la révélation et en envoyant ses messagers. Même si elle est prioritaire. Mais toute vérité en dehors de celle-ci, même dans la dunya, il faut l'accepter. et s'y résigner. Même si elle est amère. Même si elle est contre nous. C'est ça l'équité. Accepter la vérité en toute situation. Et cette vertu n'est pas accordée à tout le monde. Mais à la base, les croyants sont prioritaires par rapport au kuffar. Car l'islam vient apprendre à devenir humble. Et le haq min asma illah azawajal. D'accord ? Le haq, c'est parmi les noms d'Allah azawajal. Et également, il y a le haq, celui qui est la créature. فيقول فالمتكبرون عن الانقياد للرسل بالكلية كفار مخلدون في النار. Donc ceux qui s'enflent d'orgueil et refusent d'obéir aux messagers de façon totale, ce sont des mécréants qui seront éternellement au feu. كما قال تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي. Que ceux qui polémiquent, c'est-à-dire qui débattent pour rejeter les versets d'Allah Azawajal sans preuve qu'ils leur soient parvenus, et à la base ils n'ont aucune preuve pour cela, ils n'ont dans leur poitrine que de l'orgueil. En fait. Ils n'ont dans leur poitrine que de l'orgueil. Et il dit « وَأَمَّا الْمُتَكَبِّرُونَ عَنَ الْقِيَادِ لِبَعْدِ الْحَقِ الَّذِي يُخَالِفْ رَيَّهُمْ وَهَوَاهُمْ فَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنُوا كُفَّارًا فَإِنَ مَعَهُمْ مِنَ الْمُوْجِبَاتِ الْعِقَابِ بِحَسَبْ مَا مَعَهُمْ. Quant à ceux qui, justement, les gens orgueilleux, qui eux refusent une partie de la vérité, et cette partie ne les rend pas mécréants, comme par exemple, en islam, les innovateurs, ou les gens des passions. D'accord ? Eh bien, eux, la menace plane sur eux en mesure de ce refus qu'ils auront fait. Ils ne sont pas mécréants pour autant, d'accord ? Mais ils auront des conséquences pour ce refus. Plus il refusera une chose qui sera grande et méritante, et plus lui, le péché sur lui sera grand, et plus il sera avili. وَلِيَهَذَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءَ أَنَّ مَنِي إِسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّهُ أَنْ يَعْدِلْ عَنَهَا لِكُلِّ أَحَدٍ كَائِنًا مِنَ النَّاسِ وَبَكَانَ. C'est pour ça que les savants, ils sont unanimes que celui qui a connu la sunna, c'est-à-dire la vérité provenant de la sunna, il ne lui est pas permis de la délaisser pour la parole de quiconque, qui qu'il soit. Quand tu as un dalil sur une mas'ala, sur une question, tu as la vérité, d'accord ? Tu n'as pas le droit de la délaisser pour prendre la parole d'autrui. Qui qu'il soit, que ce soit un grand savant, que ce soit ton père, que ce soit ton enseignant, que ce soit un gouverneur, que ce soit ton grand frère, que ce soit une personne qui est à la base, que tu respectes grandement, d'accord ? Qui qu'il soit, son avis ne peut faire obstacle à ce qui t'est parvenu comme vérité de la sunna et du Coran également. Donc les personnes, lorsqu'une vérité leur parvient, ils doivent s'y accrocher quitte à déplaire à la terre entière. Car la terre entière, même s'ils se réunissaient pour te faire un bien, ils ne sauraient apporter que le bien qu'Allah Azawajal t'a déjà prédestiné. Et s'ils venaient à se réunir tous ensemble pour te nuire, ils ne sauraient te nuire qu'en ce que Allah t'a déjà prédestiné. Donc les gens ne te servent à rien en réalité, dans ce genre de situation-là. Il n'y a que Allah Azawajal. Donc le haq, il faut l'accepter. Quel qu'en soit l'amertume de son goût. Il faut l'accepter. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bimarna, akbil al-haq walau kana murran, ou koul al-haq walau kana murran, dit la vérité, même si elle est amère. Même si elle est amère. Et parmi les gens de vertu, certains ont été tués pour cette vérité. Des prophètes ont été tués par les Bani Israël pour cette vérité. Des croyants ont été torturés et châtiés pour cette vérité. Et pourtant, ils ont tenu, ils ont fait face. Ces gens-là seront parmi les plus élevés au Qiyam. Et nous, parfois, on a une vérité à dire qui ne nous coûte rien du tout. Juste peut-être des reproches, un mauvais regard, on n'arrive pas à la dire. Ça, c'est un dhaf qu'on a en nous. C'est un dhaf qu'on a en nous. Quand on voit que des gens auparavant, comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yutar rajul, fa yushak rasuhu bin char, Que tu voyais auparavant un homme était pris et torturé, se faisait scier la tête en deux pour délaisser la vérité et sa religion, il ne le faisait pas. Aujourd'hui, des gens pour moins que cela, même pas pour sous la torture, mais pour éviter de perdre ce qu'ils pensent être un privilège, un avantage mondain, sont prêts à dire des énormités. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yusbihu rajulu mu'mina yumsi kafira, yumsi kafira, ou yumsi mu'mina yusbi kafira, yabi' dinahu li'arad min ad-dunya. Que tu verras l'homme le matin croyant, le soir devenir mécréant. Ou le soir croyant, le matin devenir mécréant, il vend sa religion pour une part de ce bas monde. Pour de la dunya. Et sachez que le haq, quand on n'arrive pas à le prononcer, au minimum, on ne l'abandonne pas, on ne le contredit pas. C'est le minimum à faire. Si le haq, tu n'arrives pas à le dire, à le proclamer, à faire face, au minimum, ne t'y oppose pas. Et quand des gens le prononcent, ne leur fais pas obstacle. Ne te mets pas contre eux. C'est ce qu'il y a de pire, ça, encore. Car tout le monde n'a pas la même témérité, le même courage et la même force, certes. Mais au minimum, le haq ne le contredit pas. Tu n'arrives pas à le dire, ne le contredis pas. Ne fais pas l'hypocrite. قال فمتى وفق لهذا الأمر الجليل فقد وفق للخير وصار خطأه معفوا عنه لأن قصده العام اتباع الشرع فالخطأ معذور فيه إذا فعل مستطاعة من الاستدلال والاجتهاد في معرفة الحق وهذا متواضع للحق. Et là après il a parlé justement de celui qui est dans le domaine du ilmi, dans la science, qui cherche la vérité mais se trompe. Mais il est sincère, il veut la vérité. Car nous sommes tous amenés à nous tromper. L'être humain n'est pas infaillible. Il s'agit de nos ulama ou de nous-mêmes. Bab Aoula. Donc celui qui recherche la vérité mais se trompe, son erreur lui sera pardonnée. Et celui qui fait cela parmi les gens de science aptes à l'ijtihad, lui, il aura quand même une récompense. Deux, si jamais il voit vrai, il voit juste, et une, si jamais il se trompe. Car son but, il est bon. C'est d'avoir la vérité et d'utiliser les éléments qu'il a en main. Cependant, il se peut que les éléments qu'il avait en main étaient insuffisants pour pas venir à cette vérité. Donc il s'est trompé sur une question. Quant à celui qui, lui, contredit délibérément la vérité, par suivi de passion, lui va s'égarer, il va se perdre. Ensuite, il dit « وَمَّا الْكِبْرُ عَلَى الْخَلْقِ فَهُوَ غَمْتُهُ وَإِخْتِقَارُهُ وَلِذَلِكَ نَاشِيَ عَنْ عُجْمَ الْإِنْسَانِ بِنَفْسِهِ » Maintenant, le fait, l'orgueil, le fait d'être hautain face à la création, face aux gens, c'est le fait de les mépriser. De mépriser les gens. Et cela ne provoque qu'une personne qui est imbue d'elle-même. Des gens qui ont un amour propre, un ego qui est trop fort. Ils se voient au-dessus des gens. Ils s'aiment trop. Donc celui qui s'aime trop, aimera moins les gens. Il n'y aura pas la place pour l'amour des autres dans son cœur. Et c'est ce qui a coûté, également, à Iblis, ce qui lui est arrivé. « Ana khayrun minhu » Je suis meilleur que lui. « Khalaqtani min nar » Tu m'as créé du feu, et lui, de terre. Donc, Iblis a méprisé Adam, il s'est vu meilleur que lui. Et qu'il suffit qu'un simple mal à la personne, ou plutôt au muslim, qu'il méprise son frère muslim. Le fait de ressentir du mépris pour ton frère muslim, cela suffit à ce que tu aies du mal en toi. Donc ne pas confondre le fait de mépriser quelqu'un et le fait d'avoir de la répulsion envers quelqu'un qui n'est pas droite ou qui fait du mal. D'accord ? Mépriser là, c'est le fait de voir une personne comme étant plus basse que toi. Que toi tu es plus haut que lui, que tu es meilleur que lui. Et que lui n'a pas de valeur. Et que toi tu en as. Ça, c'est un sentiment qui est très dangereux. Et ensuite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a clarifié que lorsque cet homme l'a posé la question par rapport aux beaux vêtements et aux belles chaussures et autres, il a dit, car il y a des gens, ils pensent que l'orgueil c'est cela, c'est être beau, avoir une belle apparence, ou même vouloir être le plus beau, vouloir être le meilleur, vouloir être le plus savant. Ce n'est pas de l'orgueil. D'accord ? Si aimer cela est une bonne niya, comme à Qala Ta'ala, « Fastabekul khayrat » et concurrencez-vous dans le bien. Cela, le fait que tu veuilles avoir le meilleur, ne veut pas dire que tu méprises les gens. D'accord ? Ne veut pas dire que tu méprises les gens. Donc une personne qui veut être de belle apparence, d'accord ? Et ben cela n'est pas de l'orgueil. Tant qu'il ne méprise pas les gens. Il dit par exemple, moi je suis beau, et lui là, voilà. Moi je suis bien habillé, et lui il est habillé comme un je ne sais quoi. Il le méprise. Ça c'est du mépris. Mais quelqu'un qui se met propre sur lui, qui se met bien sur lui, vous voyez, sans pour autant avoir du mépris à l'égard des autres, ne rentre pas dans l'orgueil. Et dans ce hadith, علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اسما من اسماء الله وصفة من صفات الله عز وجل. Dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم nous a enseigné un nom parmi les noms d'Allah عز وجل qui est Al-Jamil, le beau, d'une beauté parfaite, sans défaut, et une beauté qui n'est pas comparable, bien évidemment, à celle de la création. Une beauté qui convient à Allah عز وجل. Et également parmi les attributs que Allah il aime. Il aime ce qui est beau, il aime la beauté. Après, la beauté, c'est une chose qui est relative. Chacun dans ses capacités. D'accord ? Chacun dans ses capacités. C'est relatif. Car t'as des jeunes n'ont pas beaucoup de moyens pour avoir des vêtements prestigieux ou autres. Dans ce qui est bien sûr correct. Et bien, à eux, à leur niveau, ils seront beaux aux yeux d'Allah, Azawajel. Car ils ont fait l'effort, avec leurs moyens, de s'embellir. Et s'embellir, Kazalika, c'est un tambih pour les femmes. Que Allah il aime la beauté, mais la beauté légiférée, ce n'est pas une femme, elle sort maquillée et embellie, ça veut dire qu'elle prend ce hadith comme Hujja, non. La beauté qui est demandée à la femme, justement, c'est de se couvrir. Et de se faire discrète. Ça, c'est une beauté qui est louable. Quand à sortir maquillée, embellie, bien coiffée à la base des cheveux, comme vous savez, ne doivent pas apparaître ou autre, ça, ce n'est pas une beauté. Ça serait une beauté aux yeux des gens qui veulent du mal à cette femme-là. Quant aux gens du bien, même s'ils verront cette femme comme une fitna, une tentation, mais son acte la rendra, l'enlaidira en fait, aux yeux des gens. Elle sera enlaidie aux yeux des gens, et elle sera, cette attirance qu'elle va avoir, qu'elle va porter, elle apportera qu'aux gens qui voudront du mal. Mais une personne de droiture ne voudra pas une femme comme ça. Donc en réalité, elle provoquera de la répulsion aux yeux des gens, qui sont sûrement peut-être beaux aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faire attention à cela. La bonne notion de la beauté. Et également, nous, en tant qu'hommes, quand on s'habille mal, en pensant qu'on est beau, en se rasant la barbe, en se taillant la barbe, en mettant des vêtements, des coiffures ou autre, ce n'est pas de la beauté, ça. En faisant des coupes de cheveux irrégulières, ce n'est pas de la beauté, ça. Légiférée. D'accord ? La beauté légiférée, c'est celle qui est en conformité avec la sunna. S'habiller de façon correcte, dans ce qui est permis, sans ressembler au coufar, sans que l'homme ne ressemble à la femme ou que la femme ne ressemble à l'homme, et sans que cela ne laisse apparaître la awra, d'accord, et autres. La beauté, c'est appliquer ce que Allah Azawajal nous a ordonné et éviter ce que Allah Azawajal nous a interdit. À ce moment-là, tu seras beau. Et cette beauté-là, on l'avait pour notre Seigneur, pas pour les gens. Et si jamais tu es beau aux yeux d'Allah Azawajal, tu le seras aux yeux des gens que Allah Azawajal, il aime. Et qui aime Allah subhanahu wa ta'ala concrètement. Les autres, peu importe. Donc cette beauté, elle implique, il a dit, tu as al-jamal al-zahir, la beauté qui est apparente. Kal-nazafa fil-jasad, wal-malbas, wal-masken, wal-tawabir zadika. Comme la propreté, c'est-à-dire être propre sur soi-même, dans les vêtements, dans le foyer, un foyer propre, et autres, tout ce qui ressemble. Wal-jamal al-batin, al-tajamul bi ma'ali al-akhlaq wa ahsaniha. Et ensuite, il y a la beauté intérieure qui est justement le bon comportement et les bonnes mœurs. Naam. Donc de là, on a pris ces deux hadiths, en espérant qu'ils auront été profitables pour tout le monde, et moi le premier. Car en réalité, comme je vous le dis, bien que je lise, et que je commente ou autre, en réalité, j'en profite peut-être plus que vous. Le premier à en profiter, c'est moi. Et le premier, s'il y a un mec qui faute, et qui sera rendu coupable, c'est moi également. Faut le savoir, ça. Donc de là s'achève cette intervention, ce ders. Voyez. Et si une occasion se présente, Inch'Allah, peut-être une allocution particulière sera donnée. Allahu ta'ala alam. Wa naktafi bi hadha al-qadr. Fa subhanaka wa bihamdik. La ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.